Compris les accords. Hein. On part sur le 1. Ça fait... On part, je repars sur le 1. On regarde ici le nombre de mesures si c'est bon parce qu'on peut régler le débit ici. Thank you. Madame Coco. Thank you. Iceman. Iceman. Play. Play cables. Hey, play. D'accord. Attention. Je suis là tranquille, je ne pense à rien. Le temps qui défile, moi je me sens bien. Tous ces gens qui râlent pour quelques routines. Tous ces gens qui restent bien dans la file. Ah non, je me suis trompé. Sans poignet. ces gens qui restent bien dans la file. Moi je ris de les voir s'énerver, hypocritiques, et ils sont toujours les premiers. À quoi bon chercher un chemin tout tracé? Ni bien rêver, non, traçons quoi d'aller. rap. Drum pedal.